June, year 2016. So the 10th day of our retreat. We will keep on talking about the Chaturarekha Kamathana. Now 2 days already, so we have to continue now. Today have to go more on facts, otherwise too long. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2016, c'est le 10e jour de notre retraite. Nous avons parlé ces derniers jours des 4 méditations qui allaient soutenir notre pratique de Vipassana. Nous allons poursuivre cet enseignement aujourd'hui. Nous avons vu au cours des enseignements qui ont précédé qu'il y avait 4 méditations de type Samatha qui allaient nous soutenir tout au long de notre cheminement Vipassana. Ces 4 méditations de type Samatha sont Buddha Nusati, la contemplation des vertus du Bouddha, Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant, Asubha Bhavana, la méditation sur le caractère répugnant du corps, et Maranasati, l'attention à la mort. Nous avons vu jusqu'à présent, hier, nous avons vu Buddha Nusati, la contemplation des vertus du Bouddha, et tout particulièrement la 3e de ces vertus, Vicchacharana Sampanna. Vijja veut dire connaissance, il y en a 8. Charana veut dire pratique, la pratique, il y en a 15. Nous avons vu hier les 8 sortes de connaissances. Nous allons voir aujourd'hui les pratiques. Parmi les 15 pratiques, les 7 premières sont des pratiques qui sont dites qualifiées de nobles parce qu'elles vont permettre à ceux qui les développent en eux d'atteindre le noble chemin. Ces 7 pratiques sont Sadda, Sati, Hiri, Otapa, Viriya, Sutta et Panya. Vous avez très souvent entendu parler de ces facteurs. Ils sont très communs dans le bouddhisme. Le premier donc de ces facteurs, c'est Sadda, que l'on traduit par confiance. C'est la foi, la croyance et tout particulièrement la confiance en soi. La personne qui détient Sadda a confiance en elle, elle est persuadée de pouvoir pratiquer cette méditation, d'être capable de la pratiquer jusqu'au moment où elle aura atteint le but final et elle n'abandonnera pas tant qu'elle n'aura pas atteint ce but final. C'est pour cette raison que cette qualité est dite noble. Le deuxième facteur, c'est Sati, l'attention. Nous avons déjà vu précédemment quelles étaient les caractéristiques de l'attention, sa fonction, etc. Pour développer l'attention, il faudra fournir un gros effort. Ce n'est vraiment pas facile d'y arriver. Ici, les yogis s'entraînent depuis plusieurs jours. Ils s'entraînent à être attentifs à tout ce qui se manifeste en eux à chaque instant. Ils doivent constamment noter. Ils doivent constamment être attentifs aux différents objets qui apparaissent en eux jusqu'à ce que tous ces objets leur apparaissent très clairement. Ils doivent arriver à la claire compréhension, voir ces objets très clairement. Leur attention aura alors atteint un très bon niveau. Le fait d'être attentif, c'est le fait de ne pas oublier, d'être toujours présent à ce qui se passe. Mais depuis toujours, tout ce que nous faisons, toutes nos activités, nous les faisons sans attention, automatiquement, par habitude. Nous devrons donc fournir un très gros effort pour maintenir cette attention vigilante à chaque instant, pour toujours être dans l'instant présent. Ceci va évidemment nous fatiguer. L'effort est immense et donc nous nous sentirons épuisés. C'est très fatigant de contrôler l'esprit. Le troisième facteur, c'est Iri. Iri, c'est la honte. La honte de mal se conduire, de poser des actes négatifs au niveau de l'esprit, au niveau des paroles et au niveau du corps. Nous avons honte de penser à des choses négatives. Nous avons honte de prononcer des paroles négatives. Les paroles négatives, c'est par exemple le mensonge, la calomnie, la médisance, les paroles inutiles, frivoles ou dures. Nous avons également honte de mal nous conduire au point de vue physique, en rompant par exemple le précepte qui demande de s'abstenir de tuer, de voler, etc. Nous avons donc honte de mal nous conduire. C'est une pratique qui est très noble. De nos jours, il est très difficile de garder les actions pures. On tue très facilement, on vole très facilement, on se méconduit très facilement. C'est donc très difficile de se conduire de façon noble. Le quatrième facteur, c'est otapa. Il va de pair avec iri. Otapa, c'est la crainte, la peur de mal se conduire. On a peur de mal se conduire mentalement, verbalement ou physiquement. On a peur d'être critiqué pour des actes négatifs qu'on pourrait commettre. Le Bouddha a dit à propos de ces deux facteurs, iri et otapa, que ce sont les gardiennes du monde. S'il n'y a ni iri ni otapa, s'il n'y a donc ni la honte de mal se conduire, ni la crainte de mal se conduire, le monde animal va péricliter. Les humains se comporteront comme des animaux. Ils feront tout ce qu'ils veulent. Ces deux facteurs sont appelés les lokapala dhamma. Loka veut dire le monde, pala veut dire gardien. Ce sont donc les dhammas qui vont garder le monde, qui vont protéger le monde. Si ces deux facteurs sont présents dans la société, cette société vivra en paix. Le cinquième facteur, c'est viriya, l'énergie ou l'effort. C'est un facteur très important. L'énergie ou l'effort, viriya, est de quatre sortes. La première sorte de viriya, d'effort, le premier type d'effort, c'est l'effort qui consiste à éviter de laisser pénétrer en soi des impuretés qui n'y étaient pas précédemment. Nous sommes, par exemple, occupés à méditer et nous sommes attentifs à ce qui se passe en nous. Nous voyons que nous sommes sur le point de commettre un acte négatif et nous évitons de le faire. C'est de cette façon qu'on pratique le premier type d'effort qui consiste à éviter de laisser pénétrer en soi des impuretés qui n'y étaient pas précédemment. Le deuxième type d'effort consiste à éliminer les impuretés qui étaient déjà présentes en soi. Nous ne sommes pas attentifs au moment où nous pratiquons et nous laissons pénétrer dans notre esprit des impuretés comme par exemple le désir avide, la colère, la jalousie, l'orgueil. Toutes ces choses sont donc déjà dans notre esprit. Nous devrons alors pratiquer le deuxième type d'effort qui consiste à éliminer ces impuretés qui sont déjà présentes en nous. Comment allons-nous y arriver ? En notant, par exemple, désir, désir, désir. Petit à petit, ce désir va s'estomper et finalement disparaître de l'esprit. Nous devrons donc fournir un gros effort pour y arriver. Si nous ne fournissons pas cet effort, il est fort probable que l'esprit devienne soit agité, soit somnolent, paresseux. Ce deuxième type d'effort est donc très important. Nous devons le pratiquer en utilisant une forte attention. De cette façon, notre concentration va se développer. Le troisième type d'effort consiste à introduire dans l'esprit des choses positives qui n'y étaient pas encore. Nous faisons un effort pour être attentifs de moment en moment. Notre concentration se développe, l'attention et la concentration deviennent fortes, ce sont des choses positives. Nous allons alors expérimenter le calme, la paix. Lorsque ces choses auront été introduites par l'effort dans notre esprit, il faudra passer au quatrième type d'effort qui consiste à développer les choses positives qui étaient déjà présentes en soi. Nous allons donc poursuivre notre effort pour continuer à développer tous ces facteurs positifs tels que l'attention et la concentration. Si nous voulons progresser, nous devrons inévitablement fournir un gros effort. Il y a en général beaucoup d'ignorance dans nos esprits. Nous devons donc développer un effort puissant de façon à maintenir notre attention sans interruption, faire ainsi surgir la concentration, et tout cela, ce sont des facteurs positifs, des kusalas. Nous allons donc maintenir ce troisième et ce quatrième type d'effort pendant toute la séance. Nous avons commencé par éviter de laisser pénétrer en nous des négativités qui n'y étaient pas encore. Nous avons ensuite éradiqué les négativités qui étaient déjà présentes en nous. Nous sommes passés alors au troisième type d'effort. Nous avons introduit des facteurs positifs qui n'y étaient pas encore, comme l'attention et la concentration, qui vont devenir stables. Et enfin, nous avons pratiqué le quatrième type d'effort, qui consiste à les développer. Lorsque tous ces facteurs auront été développés par l'effort, nous allons expérimenter la joie. Mais il ne faut pas s'attacher à cette joie. Nous devons simplement l'accepter comme étant le résultat de notre effort. Nous avons développé la compréhension grâce à l'effort, à l'attention et à la concentration. Les objets seront alors devenus très clairs. Pendant toute la séance, nous serons capables de les observer paisiblement, et la compréhension va se développer. C'est la compréhension juste. Cette compréhension juste va amener elle-même le développement des connaissances vipassana. Lorsque ces connaissances vipassana se seront renforcées, nous pourrons atteindre la vision pénétrante. Mais il faudra éviter de laisser l'esprit observer sans effort. Car si l'esprit se met à flotter à la surface des objets, il ne va plus les pénétrer et la compréhension ne sera pas claire. Tout ceci sera dû à un manque d'effort. Il faut donc constamment fournir cet effort de façon à ce que la compréhension soit très claire. Le facteur suivant, c'est sutta. Sutta est traduit par compréhension, connaissance. Ce type de connaissance n'est pas exactement la même chose que panya, la sagesse. C'est une connaissance qui nous vient de l'écoute d'enseignements ou par la lecture de livres. La lecture et l'écoute peuvent donc amener un certain type de compréhension de connaissance. Plus on acquiert ce type de connaissance, plus la confiance va s'installer en nous. Donc, ce type de compréhension, la compréhension qu'on acquiert par l'écoute ou par la lecture, se base sur les concepts. C'est une connaissance qui s'enracine dans les concepts. Vient ensuite un autre type de compréhension de connaissance, la connaissance pénétrante. Cette connaissance pénétrante est appelée sagesse. La sagesse, c'est comprendre en détail. Et cette compréhension ne s'enracine pas dans les concepts. C'est un type de connaissance, de compréhension, qui ne peut pas être effacé de l'esprit. C'était donc là les sept pratiques nobles, et le Bouddha les avait menées à leur perfection. Viennent ensuite huit autres pratiques. La première concerne l'alimentation. Il faudra contrôler son alimentation, tant au point de vue de la quantité qu'au point de vue de la qualité. C'est une sorte de pratique noble également. La majorité des maladies viennent d'une alimentation qui n'est pas appropriée, surtout en Asie où il fait chaud. Les aliments se détériorent très rapidement. Nous devrons donc nous entraîner à manger avec attention de façon à protéger notre vie. Le neuvième exercice, c'est de maintenir l'esprit toujours alerte. L'esprit n'est jamais ignorant. Rien n'est laissé inaperçu. L'esprit est capable de tout noter, tout ce qui se passe à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Le Bouddha était capable de fournir ce type d'effort. Il n'expérimentait pas la somnolence et la torpeur, car il s'était débarrassé de toute forme d'impureté. La somnolence et la torpeur sont une forme d'impureté mentale. Le Bouddha n'avait donc plus ni de somnolence ni de torpeur. Lorsque son corps était fatigué, il s'allongeait pour le reposer, mais son esprit restait très alerte. Il continuait à noter. Les yogis également vont diminuer le nombre d'heures de sommeil au cours d'une retraite. En général, les gens dorment 6 à 8 heures par nuit, mais pendant une retraite de méditation, l'esprit est très alerte. Il reste éveillé plus longtemps et donc 4 heures suffisent, parfois 5, parfois 6, mais parfois moins. Il y a des yogis qui n'ont besoin que de 2 heures de sommeil par nuit. Tout ceci est dû donc à ce facteur qui consiste à avoir l'esprit toujours alerte. Le Bouddha ne dormait qu'une heure par nuit, parfois une vingtaine de minutes. Son programme journalier était très strictement établi. Il donnait des dhammatok pendant la première partie de la nuit. Ensuite, il allait donner des enseignements aux êtres célestes qui venaient pour les recevoir. Ensuite, il allait survoler le monde de son œil divin pour voir qui allait pouvoir atteindre l'éveil ce jour-là. Et le lendemain, il se rendait chez ces êtres. Donc le fait de maintenir l'esprit toujours alerte est une pratique noble. The other one is a sila samvara. Sila samvara is, as we know, morality. Morality is for the monk or the set up the precept. Or the Buddha set up the precept. So Buddha also at the same as never broken all these kind of things. Because the monk, sometimes we forget, we may careless, may be broken the some small offense, some small precept. For example, if we are not be careful, we are step on the insect or whatever, our precept is will be spoiled. Sometimes like that kind of situation in the Buddha's normal, because you always be mindfully. That's why this sila samvara also perfect practice. Le facteur suivant, c'est la moralité. Il s'agit ici des préceptes moraux. Le Bouddha était toujours attentif et donc ne rompait jamais aucun des préceptes moraux. Pour nous, il nous arrivera parfois de les rompre. Par exemple, nous ne sommes pas attentifs et nous marchons sur des fourmis. À ce moment-là, on peut dire que d'une certaine façon, le précepte est rompu. Ceci n'arrivait jamais au Bouddha qui était toujours très attentif. La 11e pratique noble, c'est donc le contrôle des sens. Il faudra que nous contrôlions les 6 portes sensorielles, les 5 portes physiques et la porte de l'esprit. Tout cela devra constamment être sous contrôle. C'est par l'attention que nous allons y arriver. Lorsque le Bouddha voulait voir quelque chose qui se trouvait derrière lui, il tournait la tête, mais il le faisait avec attention. Il ne regardait pas spontanément et directement derrière lui. Il faisait tout cela avec attention. Ces 4 facteurs dont il vient d'être question sont donc des pratiques normales. La dernière, c'est une pratique supérieure, ce sont les jhanas, les absorptions. Il y en a 4. La première contient 5 facteurs, l'application initiale de l'esprit, le maintien de l'esprit, la joie, la tranquillité et la fixité de l'esprit. Bien ensuite, le deuxième jhana, qui comprend 3 facteurs, piti, la joie, sukha, le bonheur, et ekagata, la fixité de l'esprit. L'esprit est très fermement établi sur l'objet. Le troisième jhana contient 2 facteurs, sukha, le bonheur, et ekagata, la fixité de l'esprit. Le quatrième jhana il n'y a plus que Ekagata, la fixité de l'esprit, et Upeka, l'équanimité. À ce stade, à ce jhana-là, l'esprit est devenu parfaitement équanime, ce qui veut dire qu'il n'y a plus ni attirance pour l'agréable, ni dégoût pour le désagréable. L'esprit est parfaitement équilibré, il voit les objets très clairement et est capable de les observer avec équanimité. Cette division en quatre est celle des suttas. Mais il y a une autre façon de présenter les jhanas en cinq sortes, et celle-là s'apparente plutôt à l'abhidhamma. Lorsqu'on parle de cinq jhanas, ce sont les deux premiers, Vitaka et Vichara, qui sont vus séparément, ce qui donne cinq jhanas au lieu de quatre. Dans les suttas, Vitaka et Vichara, l'application initiale et le maintien de l'esprit constituent un seul facteur. Nous aussi, nous allons pouvoir développer dans une certaine mesure les jhanas, les absorptions. Si notre pratique se développe bien, si nous fournissons l'effort d'être attentifs, si nous avons la concentration, nous avons la tranquillité, nous avons la joie, nous expérimentons les jhanas dans une certaine mesure. Nous avons donc parlé des 15 pratiques. Parmi ces 15, il y en a 7 qui sont dites nobles, il y en a 4 qui sont des pratiques normales, qui consistent donc à maintenir l'esprit très alerte, à respecter les préceptes moraux, à contrôler les sens, à contrôler l'alimentation. Et enfin, il y a une pratique qui est noble, ce sont donc les jhanas. C'est la signification de Vijja-Charana-Sampanna. Vijja veut dire connaissance, charana veut dire pratique, sampanna veut dire accomplissement. Le Bouddha est quelqu'un qui avait mené ses pratiques à leur accomplissement et qui détenait donc la connaissance parfaite. Il pouvait voir ses vies antérieures, les vies antérieures des autres, il avait l'œil et l'oreille divines, il avait les pouvoirs supranormaux. Le Bouddha était en mesure de tout obtenir à tout moment. Donc nous avons vu les trois premières vertus du Bouddha que nous récitons tous les jours tous ensemble, Araham, Sammasambuddho, Vijja-Charana-Sampanno. Il y a ensuite Sugato, Lokavidu, Anuttaro Purisa Dhammasarati, Satadeva Manusanam, Buddho, Bhagava. Ces autres qualités, nous les verrons dans les jours qui viennent. I think it's at the time it's us, so may you all be able to try the reality side and to know and to practice, agree whatever in our level to gain to our final goal.